Enzo. Ouais, moi du coup c'était juste par rapport à ce qui a été dit au début sur les différentes réformes qui passent. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a aussi une réforme de l'assurance chômage en cours et qu'en plus de ne pas avoir de retraite et de ne pas avoir de taf, on ne va pas avoir de chômage. Donc ça peut être intéressant d'être au courant et voilà, de réfléchir un peu à ce qu'on peut faire à ce sujet-là.